Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Le 13 janvier 2016, nous parlions ici de la découverte de signes montrant la présence probable d'un trou noir de 100 000 masses solaires dans notre galaxie. Un trou noir dit de masse intermédiaire. Ces trous noirs qui sont si difficiles à trouver. Aujourd'hui, l'équipe japonaise à l'origine de cette observation publie de nouvelles données en ondes millimétriques qui confirment leur première hypothèse. Ce qu'avait détecté l'équipe de Tomoharu Oka, c'est un nuage de gaz moléculaire nommé CO-040-022, d'après ses coordonnées galactiques, et qui montrait une cinématique très bizarre, avec des vitesses très dispersées. L'analyse cinématique du nuage a mené les chercheurs à conclure qu'il ne pouvait s'agir que de mouvements induits par l'effet gravitationnel d'un objet très compact, dont la masse devait atteindre 1805 masses solaires. Cela devait donc être un trou noir de la classe des masses intermédiaires, entre trou noir stellaire d'O plus 100 masses solaires et trou noir supermassif d'O moins 100 000 masses solaires. Le nuage CO-040-022 est un nuage de la catégorie des nuages denses à haute vitesse, en anglais les HVCC, High Velocity Compact Clouds. Il fait seulement 5 parsecs de diamètre, soit 16 années-lumière, et se situe à environ 60 parsecs du centre galactique, 196 années-lumière. Les astrophysiciens japonais ont poursuivi leurs investigations sur cet étrange nuage de gaz, en utilisant cette fois-ci le puissant réseau de radiotélescopes ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, pour imager les émissions caractéristiques de deux molécules, le HCN et le CO. Ils parviennent à détecter une source quasi ponctuelle située au centre du nuage CO-040-022 qu'ils appellent donc logiquement CO-040-022 étoile. Cette source radio a un spectre à large bande qui montre une luminosité 500 fois plus faible que celle du trou noir supermassif Sagittarius à étoile. En plus de cette source ponctuelle, les astrophysiciens japonais qui publient leur travail dans la désormais fameuse revue Nature Astronomy observent également une zone de gaz plus dense au centre de CO-040-022. Ils ont alors effectué des simulations numériques en considérant la présence d'un objet compact comme le trou noir inféré et retrouvent exactement les mouvements de ce gaz dense qui sont observés. Comme il n'y a pas d'autres grosses émissions en provenance du centre de CO-040-022, cela voudrait dire qu'il s'agit d'un trou noir calme, qui n'est pas en train d'accréter de la matière. Oka et ses collègues ont quand même demandé du temps d'observation avec le télescope spatial XMM Newton pour scruter le nuage en rayon X. Le flux mesuré est très faible, et lui aussi dans le même facteur 500 par rapport aux émissions X de Sagittarius à étoile. Bien sûr, avant de conclure sur la nature trou noir de l'objet compact semblant situé au centre de CO-040-022, les astronomes japonais ont cherché d'autres explications, comme par exemple celle d'un amas globulaire très dense. Mais la densité nécessaire est telle, plus de 1 milliard de masses solaires par parsec cube, qu'elle est 100 fois plus élevée que la densité du centre de l'amas M15, connu pour être l'amas globulaire ayant le noyau le plus dense. Par ailleurs, un amas globulaire laisserait une trace en infrarouge qui n'est pas observée ici. Il existe une relation empirique entre la masse d'un trou noir et la masse de son amas ou son bulbe de galaxie hôte. la masse du trou noir est très souvent environ 1000 fois plus faible que la masse de son hôte. Un trou noir de 10 puissance 5 masse solaire aurait donc pris naissance dans un système stellaire de 100 millions de masses solaires, ce qui se rapproche plutôt de la masse d'une galaxie naine que de celle d'un amas d'étoiles. Or, comme on sait depuis une dizaine d'années que notre galaxie a connu une fusion mineure avec une galaxie naine il y a environ 200 millions d'années, grâce à l'étude de population d'étoiles dans la région centrale de la galaxie, et que par ailleurs on connaît aujourd'hui plus de 50 galaxies naines gravitant autour de la Voie lactée dans un rayon de 420 kiloparsecs, et que l'on connaît des exemples de galaxies ayant grossi par fusion successive avec des galaxies naines satellites, il n'en fallait pas plus pour que Tomoharu Oka et son équipe concluent que le nuage CO-040-022 ne serait autre que l'ultime résidu d'une petite galaxie qui aurait été cannibalisée, selon les termes des auteurs de cette étude, et dont le trou noir central serait maintenant gentiment en train de se rapprocher du centre de la galaxie pour un jour fusionner avec Sagittarius à étoiles. L'article de Tomoharu Oka et ses collaborateurs est paru aujourd'hui dans Nature Astronomy en ligne. Il s'intitule « Millimeter Wave Emission from an Intermediate Mass Black Hole Candidate in the Milky Way ». L'article est accessible, il est en open access, donc vous pouvez tout à fait le consulter pour voir tout ce que je vous raconte. Toujours sur le www, ça se passe là-haut.fr bien évidemment. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !